l'allégresse à l'éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons à sa rencontre avec des louanges. Célébrons-le par les chants. Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba. Aujourd'hui,